Bonjour chers auditeurs des Pods Calais. Alors aujourd'hui on va revenir sur un des, je pense, des meilleurs films de cette décennie, parce que voilà, c'est, on va dire, le fidèle, le beau remake de Pirates des Caraïbes. On va dire, on va parler de Jungle Cruise. Le digne héritier de Pirates des Caraïbes, Indiana Jones et de la momie. Ah, parce exactement. Que là-dedans je crois que c'est le melting pot de référence. Quoi. Enfin un film qui rend bien hommage au film de genre. L'hommage pompeux quoi, on va dire. Hein, ouais, l'hommage pompé. Donc voilà, quand Jungle Cruise, un film signé Romain Colessera qui est connu pour avoir fait pas mal de films d'action avec Liam Neeson qui sont plus ou moins bons, enfin faut voir. Moi j'aime bien l'acteur, mais des fois je trouve que peut-être que ces personnages ils ont tendance un petit peu à se répéter dans ces films. Toi t'aimes bien l'acteur juste parce qu'il était dans Star Wars, hein. Non, je l'aimais bien juste avant qu'il joue dans Star Wars, style tu sais, La Liste de Schindler ou Love Actually, ouais, Michael Collins, tous des grands rôles qui ont fait sa renommée. C'est vrai que après il est parti un peu dans la série B d'action, mais le mec a du charisme. Dans Star Wars, je pense que c'est quand même l'une des meilleures choses de l'épisode 1 pour moi, le Qui-Gon Jinn. Le meilleur truc de l'épisode 1, c'est Jar Jar. Non, mais là, tu trolls. Là, tu trolls. Il y a Obi. Moi, pour moi, les deux meilleures choses que dans le Star Wars épisode 1, ça y est, on dérive direct. Déjà. Il faut une référence à Star Wars, c'est inévitable. Pour moi, c'est Liam Neeson et Ewan McGregor pour moi dans les ouais, pour moi, c'est la course de Pod, mais c'est toi qui vois. Dans les acteurs, je veux dire. Parce que Ray Park, Natalie Portman, et puis voilà quoi. Je veux dire, c'est vraiment l'image paternelle. Moi, je trouve que Liam Neeson, il incarne bien. Ouais, à la fois paternelle et ambigu. Ouais. Enfin, on va pas revenir sur Star Wars. Non, parce que je crois qu'on va faire une émission spéciale prélogie, trilogie, la postlogie, on l'a déjà fait. Encore, ils sortiront un film Star Wars dans 2 ans. Ouais. Ouais, en 2023, le prochain. 2023, voilà. Mais alors, entre deux, il y aura plein de séries, donc on y reviendra, hein, c'est clair. Donc là, on va revenir sur l'excellent film Jungle Cruise. Ouais. Ah, désolé, je suis obligé de dire que c'est excellent. Hein. Recadre le débat, là. Moi, je trouve que c'était un très bon film. Bah, j'ai peur de Dwayne Johnson, alors j'ose pas cracher dessus. Parce que Dwayne Johnson, il est bien sympathique. Dès que tu dis du mal de ses films, il te regarde de travers. Donc, si tu te prends une baffe par le mec, t'es sûr que ta face, elle est éclatée. Ah ouais, là, on se relève pas. Vu les mains qu'il doit avoir, ce mec-là. Autant John Cena m'impressionne pas, autant Dwayne Johnson on m'impressionne. On va pas d'ailleurs, dans une prochaine émission, mais bon. Ouais, avec John Johnson, comme tu dis, ça fait au moins 3 fois qu'on le dit. Puis l'actrice, c'est Emily Blunt. Alors, Emily Blunt, c'est plutôt une actrice qui tangue un petit peu entre le film d'auteur et le film, on va dire, un petit peu plus commercial. Je pense notamment à Sans un bruit, tu sais, c'est ce film d'invasion extraterrestre. Ah, c'était elle dans Sans un bruit, d'accord. Elle. Film que je vous conseille d'ailleurs, Sans un bruit. Tu l'as vu, Sans un bruit? Et le 2 aussi, tu l'as vu? Non, j'ai pas vu le 2, j'ai vu un. Bien, hein, au niveau de la pétoche. Même de l'ambiance. Hein. Ah ouais, l'ambiance. Ça me fait penser aux Dents de la Mer, ce film. C'est-à-dire que tu vois pas forcément les monstres tout le temps. Tu les vois pas avant la fin. Et je veux dire que quand tu les vois pas, c'est là où t'as le plus peur. Donc, Emily Blunt aussi, qui est connue aussi pour son rôle dans Age of Tomorrow, avec Tom Cruise aussi, pour étaler sa filmographie, mais c'est pour citer quelques films où on la voit en rôle principal, plus ou moins. Voilà, quoi, donc elle incarne une espèce d'Indiana Jones à la féminin, quoi. C'est un peu ça, l'idée, hein. Bah, c'est le girl power, là. Ouais, c'est-à-dire que c'est une femme moderne, mais dans les temps anciens. C'est la femme forte, quoi, on va dire. Ouais, dans les années 20, quoi. Ouais. Elle, au début, c'est... elle part à la recherche de la Cité d'Or. Non, elle part à la recherche de l'arbre de vie, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu une métaphore de l'arbre d'Adam et Ève, quoi, quelque part. Non, c'est un pompage de le truc de jouvence de Pirates des Caraïbes. C'est un pompage de l'arbre de jouvence de Pirates des Caraïbes. Ah oui, c'est vrai, il y avait cette histoire. Ah ouais, bah ouais. Vous vous souvenez plus de ça, c'est vrai. C'est tellement mauvais, là, la fontaine de jouvence, que... Ah ouais, c'est pas le meilleur. Moi, sorti de la trilogie, après, il n'y en a plus. C'est un peu comme Indiana Jones 4 et Star Wars. Ouais, hein. Indiana Jones 4 qui est en tournage. Ouais. On aurait pu le voir, la réalité. On va parler de ce film un jour, là, parce que vraiment, on n'a pas envie d'en parler, quoi. Donc, elle parle à la rigueur, bon, on le sait dès le début, l'histoire de l'arbre de vie, hein, c'est ça. Ouais, les pétales de l'arbre qui soignent toutes les maladies, voilà. C'est... Donc, lui, c'est un baroudeur, qui fait une espèce de circuit. Alors, c'est vraiment méta avec Disney, l'attraction. Avec l'attraction, ouais. Jungle Cruise, à la base, c'est une attraction. Donc, ouais, c'est une attraction du parc Disney, ouais, tout simplement. Donc voilà, quoi. Donc, déjà, le côté méta au début, avec John Johnson, qui fait un peu le roublard, hein, on voit tout de suite que c'est un peu bidon, hein, avec les indigènes et tout. Les faux indigènes, avec les faux rhinocéros, avec la fausse cascade bricolée. Et qu'est-ce que t'as pensé du faux jaguar Tu vois, je sais pas combien il y a eu de budget pour ce film. Ah, je sais pas, mais bon. Mais au moins, tu sais qu'il est pas passé dans l'animation du jaguar. Non, parce que bon, c'est assez médiocre, hein, faut avouer. Hein. Si on continue l'histoire, c'est que lui, c'est un roublard, et puis il va proposer ses services, et puis ils vont se rencontrer. Bah, tu sens que c'est un peu pas un arnaqueur, mais bah, si, un arnaqueur. Ah, quand même, hein, il est pas très honnête. Hein, pour les pièges à touristes. Dans sa démarche, il est pas très honnête, hein, quand il fait certaines choses. Il leur fait peur. Enfin, c'est peut-être peut-être ce qu'il recherche. T'as toute cette péripétie, et puis t'as un mec, bien sûr, t'as une espèce de mec qui le traque parce qu'il est endetté, quoi. Non, qui lui pique son moteur, tout simplement. Ouais, ouais. Parce donc, que, il lui doit de l'argent, alors, du coup, le mec, il dit, voilà, je te prends ton moteur, et si t'as pas payé la semaine prochaine, je te prends ton bateau. Et du coup, c'est le prétexte à ce qu'il va faire, justement, la croisière, le truc d'aventure avec la dame pour ouais. voir, avoir un peu d'argent pour récupérer son matériel, quoi. Ouais, tout à fait. Mais on a lancé comme ça dans, on va dire, dans le fil du sujet, parce que c'est un film qui manque pas de rythme, hein. On peut pas dire qu'il y a non. des longueurs, hein. Et moins long que d'autres films qu'on a vus récemment, comme Snake Eyes, par exemple. Ouais, c'est ça, en fait, ouais, par exemple. C'est plus facile à regarder qu'un Snake Eyes. Disons que il se suit facilement comme film. Ouais, il se suit facilement. Le truc. Et, à part, tu vois tout arriver de loin. Mais ouais. c'est un film, contrairement à d'autres, où, tu peux aller le voir avec tes enfants. Ouais, c'est vraiment le film familial. Ouais, quelques scènes qui font un peu peur, faut pas déconner non plus. Mais voilà, c'est vraiment un Disney. Voilà, c'est un Disney. Je sais pas si vraiment un spoiler, mais on a quelques, on va dire, zombies à la Pirate des Caraïbes. À la Pirate des Caraïbes 1. Des gens qui sont un petit maudits. À la fois humains et naturels, quoi. La nature s'incruste entre eux, quoi. On pense justement à David Jones de temps en temps, tu vois. Ah ouais, le monstre principal. Le chef, quoi, on va dire. Le chef des mutants, on va dire. Il fait carrément penser à David Jones. Attends, c'est pas X-Men. Hein. Version Leader Price. Hein. C'est vrai que... Il y a un peu cheap comme mec. Hein. Il est pas intéressant. David Jones, il y a une certaine prestance. Alors, le budget, moi, j'ai trouvé 200 millions quand même de dollars. Hein. Bah, il a dû avoir 180 millions pour Dwayne Johnson. À mon avis, le mec a bien monopolisé le contrat. Et 1 million pour le Jaguar. Et puis, on se demande, Emily Blunt, comment elle a été payée, quoi. Elle a pas été payée. C'était là du... Comment on dit quand on n'est pas payé, là Un bénévole. Ouais, c'est ça. Bénévole, quoi, on va dire. Alors, moi, j'ai relevé quelques péripéties à la... Bon, déjà, l'Indiana Jones. Je sais pas si t'as pensé comme moi, mais il y a quand le bibliothèque, il tape sur le... Elle doit creuser un trou. Mais ça va faire un trou, ça va faire du bruit. Donc, elle attend que le bibliothèque, il tamponne le truc. Pour, ouais. Donc, ça, c'est Indiana Jones, tu vois. Ça, c'est un petit truc, un petit rappel. Bon, il y a Pirates des Caraïbes. Mais je crois que c'est vraiment... Pirates des Caraïbes, je crois que c'est vraiment à toutes les scènes où il y a des effets spéciaux, quoi. Il y a la momie, la scène avec les échelles qui passent d'une bibliothèque à l'autre, par exemple, tu vois. Aussi, donc ça, c'est la momie. Ça, c'est la momie, quoi. En même temps, c'est Disney, la momie, non? Non, c'était pas Disney, c'était Universal. Une petite plainte pour plagiat. Ouais. C'était Universal, la momie. Bah, Indiana Jones, c'était Lucasfilm, mais comme ils ont racheté le... Ah, et là, ils ont le droit. Ils ont racheté la licence. Là, ils ont le droit de plagier comme ils veulent. Et sur Pirates des Caraïbes, ils ont le droit. Là, ils avaient plein pot, donc ils pouvaient plagier comme ils veulent. Mais c'est vrai que le scénario, il sombre vraiment dans la facilité, dans le, comme tu dis, l'intrigue est hyper convenue. T'as l'impression de voir une attraction Disney en film. Ouais, c'est ça. Comme je dis tout à l'heure, y a pas de problème. Vous pouvez aller voir ça avec vos enfants. Ils vont pas s'ennuyer. Ils vont pas avoir trop peur. Un petit peu à un moment, mais ça reste. Enfin, je veux dire, s'ils ont vu Pirates des Caraïbes, ils auront pas peur. Ouais. Puis en fait, Dwayne Johnson, il est pas. Enfin, voilà, c'est un acteur correct. C'est un mec, un capital sympathie, c'est ça le truc. C'est marrant parce que on sent qu'il surjoue, mais t'as pas l'impression qu'il cabotine. C'est rigolo, quoi. Disons qu'il s'amuse beaucoup dans ses films. J'ai l'impression qu'il s'éclate. Ouais. Il s'éclate. Est-ce qu'il s'éclate par exemple aussi autant dans les Fast and Furious avec Statham? Il se prend plus au sérieux dans les Fast and Furious. Mais là, le truc est pas crédible, le film est pas crédible parce que je vais partir dans les spoilers. Ouais. Enfin, le mec c'est quand même un immortel et puis. Ouais. Un côté Highlander, quoi. Voilà. Et puis ça. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est même pas lui spécialement qui sauve la demoiselle non plus. Donc c'est assez rigolo, quoi. C'est puis il se prend des coups. Enfin, voilà. Elle lui met des patates dans la gueule sans faire exprès, des trucs comme ça. Et puis c'est assez rigolo. Puis t'as l'impression de regarder un peu un Jumanji aussi, tu vois. C'est le mec super fort, mais c'est pas non plus le gros surhomme. Enfin, c'est et à la fois le surhomme et pas le surhomme non plus. Ouais, c'est Johnson, il est dans la continuité des films comme Jumanji, comme tu disais. Ouais. Donc il y en a eu deux, moi j'ai vu que le premier, mais bon, voilà quoi. On est vraiment dans le divertissement vraiment accessible à toute la famille. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est ça. Tu vois, en fait, c'est pas un bon film, c'est un bon film familial, mais c'est pas un bon film tout court. Non, c'est pas un bon film. Mais par contre, si vous avez envie de passer le temps avec vos gosses, c'est un bon film à regarder. C'est un produit de consommation pour vous. C'est un bon produit de consommation. C'est un produit de consommation. C'est divertissant. On s'attend au truc, on n'a aucune surprise dans le scénario. Aucune. Même à la fin, quand il est figé dans la carbonite, on va dire. Quand il y a Jar Jar qui le met dans la carbonite. Il sacrifie, mais ça me paraît. C'est une production Disney, donc tu dis. Ouais, il va y avoir. Il va se passer quelque chose. Mourir, ouais. Donc il redevient mortel. Ouais, parce qu'il est blessé. Donc voilà, ouais, il est blessé. Donc il se bat, puis il trouve quand même une pétale. Parce qu'il y a une pétale de rose, je sais pas, un drôle de truc. Bah, elle sacrifie sa pétale d'arbre de vie pour le soigner lui. Puis au dernier moment, t'as une autre pétale qui apparaît. Il tombe, puis là, c'est le gros Deus Ex Machina. Machina, tu vois. Eh ouais, par le pouvoir. Et donc ça termine sur ils sont à New York et ils sont en couple. Je sais plus, enfin bref. Ouais, ils conduisent comme un dingue, donc ça doit être New York. Ouais, donc une grande ville industrielle, on va dire. Ouais, voilà, une ville industrielle. Ouais. Et puis voilà que et puis ils annoncent déjà un 2. Alors que déjà, le premier est mauvais. Oh, c'est un bon divertissement. J'ai du mal à dire que c'est un mauvais film. Mais ça se prend pas au sérieux. D'ailleurs, d'où peut-être l'effet un peu cartoon de la... Enfin, pas de la panthère, du jaguar. Qui fait un peu cartoon, le jaguar. Ouais, il y a ce faciès qui fait pas très réaliste. Ouais, il me fait penser à Milou dans Tintin et Milou, tu vois. Le Milou de Spielberg, là. Ouais, de Spielberg. Ouais. Il est animé un peu de la même façon. Ouais, il y a l'incrustation, des fois, elle est bien faite. Des fois, je trouve que c'est vraiment mal fait, quoi. Alors, quand il rentre dans le bar, l'incrustation, dans le trailer, on le voit. Ouais. Là. Ah bah là, elle est dégueulasse, hein. Comment on s'est foutu de sa gueule quand on a vu le machin? L'incrustation, elle est dégueulasse. C'est vrai que quand tu vois le trailer, t'avais du mal, quoi. Dans le film, ça passe un peu mieux, je trouve. Ouais. Il y a pas une seule bête qui est naturelle. Tu vois le dauphin, c'est un truc numérique. Les serpents sont super bien faits. Mais le dauphin. Les abeilles, c'est moyen. Ouais. Et le dauphin, tu l'as vu le dauphin? Ouais, je l'ai vu le dauphin. Et alors, c'est un truc numérique aussi, ça. Oh, je sais pas, c'est un dauphin. C'est vrai qu'il faut avoir l'œil des fois, mais bon. Mais c'est vrai que c'est un film d'effets spéciaux, un film avec deux personnages qui sont plus ou moins sympathiques. Faut quand même avouer que elle a un côté comique quand même. Ouais, c'est aussi un film avec beaucoup de comique relief, notamment son frère qui sert. Ah ouais, lui, lui, j'ai tout de suite pensé au frère de Evelyn dans La Momie, tu vois. Aussi, ouais. Exactement pareil. Exactement pareil. Même pareil, quoi. Enfin, à part que le mec, apparemment, il fait une espèce de coming out à un moment, il dit qu'il est homo. Il préfère les hommes. Parce que ça fait bien, il faut le dire. Bah, ça sert à rien, mais bon. C'est pour ramener du LGBT à la salle. Enfin, je suis complètement con parce que c'est au milieu du film, donc tu le sais pas. Non, puis c'est annoncé, ça tombe comme une merde, donc, ça n'a rien à faire dans l'intrigue. Il y a un peu précieux, mais bon, c'est pas parce que t'es précieux que t'es forcément homosexuel, je veux dire. Enfin, c'est ridicule, quoi. Ouais, c'est un peu cliché. Il y a un peu caricatural comme mec. Bah, tous les persos sont caricaturaux. Ouais. Le méchant, il est caricatural. Ah ouais. Je suis un méchant allemand, mais de la guerre 39-45, alors que c'est pas dans la bonne période. Ouais, il y a lui, là. Puis il y a aussi le chef David Jones, là. Ouais, David Jones, leader Christ. Like. David Jones Wish. Lui, vraiment nul à chier. Moi, je trouve qu'il est mauvais. Ouais, je trouve que l'acteur est encore passable. Ouais, un peu transparent, qu'on va dire. Par contre, les deux autres, non, c'est des caricatures. Ah ouais, là, c'est vraiment. J'ai l'impression de regarder les Cités d'Or et les deux comic reliefs des Cités d'Or. Ouais, tu vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est vrai qu'il y a l'emprise des Cités d'Or, elle est super. Ouais, à la fin, quand c'est le monde souterrain, c'est les Cités d'Or. Quand ils vident le canal, enfin le. D'ailleurs, moi j'ai pensé quand ils ont vidé le canal, il y a exactement la même scène dans Indiana Jones 4. Ouais, ils ont les droits, donc ça va. Leur royaume du crâne de cristal. Tu sais, quand ils. Ouais, le projet avorté. Quand il y a la cité qui va sous l'eau, là, bon. C'est dans un multivers. J'ai pas encore fait le multivers. C'est le multivers, tu sais, t'as dit les potes calés. Les potes calés multivers. J'ai oublié le Indiana Jones 4, tu sais, c'est l'effet Mandela, j'ai tout oublié. J'ai dit, il y a l'emprise d'Indiana Jones, de Pirates des Caraïbes et de la Momie, mais c'est... Ah ouais, c'est flag, ça se voit. C'est même pas dissimulé, quoi. Non. Puis c'est ça se voit que c'est pas, à part le truc d'Indiana Jones, ça sent l'hommage quand elle tape avec sa boîte, là. Ouais. Mais le reste, ça pue le plagiat. Hein. Ah, on est même plus dans l'hommage, parce que il y a un moment où il faut faire la différence entre l'hommage et le plagiat, et tu dis, merde, l'hommage, quelque chose d'honnête, on va dire, de sincère, le plagiat, c'est en dessous de ta gueule, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ouais, voilà, quoi. On va pas non plus s'étaler sur le film. Bon, moi je veux dire que si vous aimez bien un bon divertissement, vous pourrez aller voir. Voilà, c'est un mais familial, là. Vraiment, vous attendez pas à ressortir chamboulé de là avec des réponses à l'univers. Si vous avez la quarantaine comme nous, vous ferez chier devant, c'est sûr. Ah, vous ennuierez un peu. Si vous l'avez avec les enfants, je pense que ça devrait aller. Ouais, c'est ça. Bon, en gros, c'est un Disney.